Si j'avais le temps d'exprimer tout ce que je ressens, j'utiliserais sûrement au moins autant d'encre que de sang. Et puis j'appuierais volontiers sur la gâchette, le bruit atténué par le piano et le violon. Je partirais en cachette. Si j'avais le temps, j'essaierais d'être un peu moins violent. Je roulerais doucement, évitant les frayeurs et les coups de volant. Dans ce monde affolant, des campards effilés à 300 km/h, et la vie un peu trop fragile et cassante. Si j'avais le temps, je serais plus agile avec mon phrasé. Mais la vitesse m'emporte et sous le poids des jets, je me sens écrasé. Personne pour me gazer, pourtant j'en dis des vertes et des pas mûres. J'en mérite des claques, mais c'est dans mon crâne qu'est l'armure. Si j'avais le temps, je continuerais ma guerre contre la connerie. J'éteindrais mon téléphone car j'en supporte plus les sonneries. Je partirais sans gloire, pas comme à la Brande tout Monroe. Je réfléchirais peut-être plus avant de chier mes âneries. Si j'avais le temps d'en perdre encore davantage, m'amuserais à manipuler quelques humains avec le chantage. Je dirais à tous qu'il faut se battre pour l'égalité, le partage. Et pour illustrer mes propos, j'userais des adages. Si j'avais le temps, mon Dieu, je deviendrais sage avant l'âge. Mais c'est déjà trop tard, il me faudrait une vie de décrassage. 10 années de perdu à croire en mes messages. Je finirais pendu en phase terminale au dernier étage. Si j'avais le temps d'aimer les gens, je te dis franchement, je m'emmerderais à mort et mes textes auraient moins de rendement. On m'a donné la vie sans mon consentement et me voici avec des fractures cérébrales sans pansement. Si j'avais le temps, je vous dirais de multiplier les passions, de s'y exulter sans retenue afin d'éviter la dépression. Si j'avais le temps, j'aiderais mon espèce, mais je rêve qu'elle disparaisse avant de polluer tout l'espace. Si j'avais le temps, si j'avais le temps, si j'avais le temps.